Spécial dédicace pour la rap, rap, rap, molodor, rap, rap, molodor, viens, t'es gonna rap, if you eat molodor, yeah!